donc un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG pour suivre l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis, enfin presque tous les mercredis, de 22h jusqu'à minuit, oui. C'est la 20e saison de cette émission Johnny de A à Z que j'ai le plaisir toujours de vous proposer sur cette radio RIG. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver après quelques jours d'absence. Bon, ça va revenir aussi, mais ce sera toujours avec plaisir de vous retrouver et de vous proposer toujours une setlist, on va dire idéale, superbe, magnifique, comment dire encore, un peu comme la saga de Fab Four de Thierry. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Bon, ce soir, je vous propose d'écouter quelques extraits de l'album, on va dire entre guillemets, symphonique, réorchestré et dirigé par Yvan Kassar, Johnny Acte 2, l'histoire continue. Ce nouveau volet prolonge le compagnonnage singulier d'un pianiste, chef d'orchestre, arrangeur qui, bien que venu du classique, est resté auprès de Johnny pendant 20 ans. C'est Yvan Kassar. Initié à l'occasion de son premier Stade de France en 1998, cette collaboration se poursuit jusqu'à l'ultime album « Mon pays, c'est l'amour » en 2018. À ce partenaire régulier sur scène, autant qu'en studio, et qu'il surnommait Mozart, Johnny a fait confiance pour exalter l'ampleur héroïque de son art et pour élargir son horizon artistique. Ainsi, pour mieux illustrer l'étendue des possibilités vocales de Johnny, ils ont instauré un rite à la fin des concerts, Kassar l'accompagnait dans des reprises monumentales de grands classiques de la chanson française par lesquelles Johnny aimait se confronter à l'histoire. Alors pour donner suite aux 12 chansons du premier album Johnny, on a d'abord cherché, c'est ce qu'ils disent, hein, on a d'abord cherché les pépites dans les enregistrements inédits de la voix d'Hallyday, surtout en concert, avant de leur bâtir un décor à la mesure de leur splendeur. Avec François Gauthier, fidèle ingénieur du son de Johnny, il découvre des répétitions de 1996, des captations de Bercy en 1995 ou à l'Olympia en 2000. Comment résister à ces trésors inconnus? De leur pêche miraculeuse, ils extraient une belle version inédite du Pénitencier et une autre de La musique que j'aime et une interprétation nouvelle de Laura et une voix irrésistible sur Je te promets. Johnny Acte 2 est né. Je vais pas uniquement vous présenter l'Acte 2, mais aussi vous présenter toutes les participations de Yvan Kassar sur les concerts de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, on va retrouver le Stade de France, on va retrouver l'Olympia, on va retrouver aussi le Parc des Princes 2003, jusqu'à la tournée Born Rocker Tour. Tout ça, c'est pendant 2 heures. Acte 2 et en gros symphonique, ou à la rigueur, vieille version piano-voix qu'on écoutera tout au long de cette émission. Johnny Hallyday en live et en version symphonique, c'est ici sur RIG pendant 2 heures. Bonne soirée à toutes et à tous. On commence tout de suite par le fameux Stade de France avec l'ouverture musicale pour enchaîner sur Que je t'aime. cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur les montagnes et les forêts. Ça fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, une toute petite voix. Je sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup, oui, tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir, tu finis dans un cri, quand c'est moi qui l'en. Sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Que je t'aime, version Stade de France. Merci. 1998, la version du 11 septembre. À présent, nous allons nous diriger vers l'album de la semaine qui est Acte 2, qui est sorti le 10 septembre 2021. Il devait à la base sortir le 20 novembre 2020, suite à l'épidémie coronavirus. Eh bien, ça a été décalé en gros d'un an. Et nous allons écouter au cours de cette émission des interviews de Yvan Cassar qui présente l'album. Et là, Yvan Cassar va nous parler donc d'une collaboration majeure avec John Hallyday, suivie du titre « J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça ». Oui, on va mettre des petits titres qu'on n'écoute pas souvent, hein, voilà. Une belle chanson de Kenny Rogers, une reprise de Kenny Rogers que Johnny avait faite en 1984, et là on aura une version qu'il a faite lors du Zénith en 1984, également en répétition. Je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, et fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.

danser. Ouais. Je le sais. Maintenant. De la semaine qui est Acte 2, sorti donc le 10 septembre 2021. Et cette fois-ci, Yvan Kassar va nous parler de la voix exceptionnelle de Johnny Hallyday. Et ça sera suivi du titre À propos de mon père. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Il y avait encore quelques personnes, peut-être, qui ne réalisaient pas quel chanteur était Johnny Hallyday. La voix est tellement belle, tellement puissante, et en même temps tellement dans le velours. T'as une palette qui est absolument exceptionnelle. L'engagement, le matériau vocal, fait que tu peux lui mettre 90 musiciens et 500 chœurs derrière, il sera pas écrasé. il sera toujours le patron et il sera toujours devant. Le vrai Johnny Hallyday, c'est l'homme qu'on voit sur scène. Il chantait pour les gens. Le rapport émotionnel de transmission entre sa voix, l'artiste qu'il est, et au public, c'est un joyau. Et le travail dans ce disque, il s'est aussi porté sur le fait de rendre hommage à l'interprète qu'il était, à de très très rares exceptions. Je parle toujours de voix live. J'ai réussi à trouver, il me semble, des versions iconiques. C'est une immense voix, mais si c'était pas un homme majuscule, ça serait pas une immense voix. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. Le seul homme en qui j'aurais cru. Oui, ce père que je n'ai jamais eu. Il m'a donné un nom, il m'a donné la vie. Si je ne sais pas qui, je garderai la part du rêve. J'en referai toute ma vie. N'en parlez pas, n'y touchez pas. Connaissez pas. Il n'y a qu'en moi qui l'ai vécu. Oui, ce père que je n'ai jamais eu. Il est parti vers un horizon, vers l'oubli. J'imaginerai tout le reste et j'imaginerai sa vie. Il était mon premier secret et je disais qu'il existait. Que j'ai pu pour ce père que je n'ai pas eu, pour ce père que je n'ai pas eu, pour ce père que je n'ai pas eu. On écoutera au cours de cet album-là, en principe, les versions les plus acoustiques possibles. On enchaîne, s'il vous plaît. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On reste encore sur le Stade de France en 1998. Deux titres à vous proposer. L'envie

C'est une chanson qui est évidemment un immense symbole de Johnny Hallyday. On en est toujours dans l'ADN, dans la voix de Johnny Hallyday. Elle méritait, une version dans le style acoustique blues qu'il aimait tant. Là, je retrouve l'authenticité dont on parlait souvent. Et j'ai fait pas mal de chansons aussi avec des musiciens français qui ont joué beaucoup avec Johnny Hallyday, Freddy Coella, Denis Benaroche, Laurent Vermeret. C'est aussi travailler avec des musiciens qu'ils connaissaient et talentueux, être dans l'héritage. Et je voulais absolument donner cette petite couleur d'harmonica. Et du coup, j'ai appelé évidemment Greg, qui est maintenant une évidence dans l'univers de Johnny Hallyday. C'est un harmoniciste absolument exceptionnel, surdoué, hein, disons-le. Quand Yvon Cassar m'a appelé pour me proposer de participer à Johnny Acte 2, j'ai été très touché qu'il ait choisi précisément cette chanson pour moi et pour l'harmonica. La musique que j'aime, c'était vraiment le morceau fétiche de Johnny. Je pense qu'on l'a joué des centaines de fois ensemble. Quand on l'a enregistré en studio, j'ai eu l'impression de rejouer encore une fois avec Johnny. Tellement sa voix est puissante, tellement sa voix est vivante sur cet enregistrement. La musique vivra tant que vivra. Ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entre les mains. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là et elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. J'ai fait dans cet album pousser cette veine un petit peu acoustique qui me tient à cœur parce que je veux que le public ait quelques surprises et de le découvrir dans ces choses vraiment à nu. Jamais une version n'a existé comme ça en studio. Voici la nouvelle version donc sur Acte 2 de La musique que j'aime avec la participation de Greg Slapp et la voix de Johnny Hallyday en 1995 lors des Bercy. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, ouais, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Moi, je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entre les mains. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, mais j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnent le jour. On chante les peines et les espoirs, on chante Dieu et puis l'amour. Les blues s'appellent que le thème et que j'ai mal enterré. Je pleure mais je chante quand même, c'est ma prière pour te garder. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là et elle vient de plus. Tu sais que les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Cette fois-ci, on va rejoindre l'Olympia en l'an 2000. Gabriel sur la scène de l'Olympia avec de jolis violonistes. Violoncellistes et tout ça, comme vous voulez. Hein? Et maintenant, je vous parlais d'une fille. Vous voulez que je vous parle d'une fille? Il s'agit d'une fille que vous connaissez très bien. Ouais, vous voyez qui je veux dire? Alors, dites-moi son nom. Dites-moi son nom. Dites-moi son nom. Son nom. Oh, ouais. Hey Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étant de ma vie. Et l'enfer me vient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Moi je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus me souffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Celui qui veut ma place. Mais tu tournes le dos, tu t'en prie.

Vous écoutez Johnny de A à Z ici tous les mercredis soirs sur l'antenne de RIG de 22h jusqu'à minuit. À présent, on va parler de Eddie Mitchell. Eddie Mitchell qui a dévoilé le 24 septembre 2021 un petit peu d'amour, sa chanson hommage à Johnny Hallyday qui sera comprise dans l'album Country Rock qui sortira le 19 novembre. Il nous parle de Johnny Hallyday 4 ans après la mort de son demi-frère. C'est un petit mix des interviews qu'il a données sur France Info et aussi aux Parisiens. Bonjour Eddie Mitchell. Bonjour. Aujourd'hui, vous sortez un nouveau single qui s'appelle un petit peu d'amour. C'est un hommage à votre ami Johnny Hallyday. C'est vrai que pendant plus de 60 ans, jusqu'à la mort d'ailleurs du rocker, les deux vieilles canailles que vous étiez sont restées inséparables. Il fallait du temps, Eddie Mitchell, pour trouver les mots justes. Oui, et puis trouver surtout la musique. Parce que, comme vous le savez peut-être, j'écris pas, je veux dire, sans musique. Quand j'ai entendu la musique qu'avait fait Pierre Papadiamandis, j'ai immédiatement pensé à Johnny. Bon, donc j'écris ce texte qui, j'espère, vous plaît. Voilà. C'est un texte qui en dit long aussi sur cette amitié, qui est incroyable. Vous dites des mots très forts. Hein. Vous dites « Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé ?» Ben oui, parce que c'est la vérité. On s'est connus, il avait 15 ans, je crois, et moi 16. Et on s'est jamais brouillé, on s'est jamais quitté. On s'est toujours vu, on s'est toujours aimé, on s'est toujours bien entendu. On a toujours fait les cons ensemble. On a partagé nos familles, puisque je suis parrain de Laura, il était parrain de Pamela, ma toute dernière. Donc, il fait partie de ma vie, c'est vrai. Pourtant, la première rencontre, elle était vraiment frappante. Hein. Eddie Mitchell, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait, il vous avait volé un disque. Je crois qu'il y a plusieurs disques. C'était à l'issue d'une surprise partie, où donc chacun me laissait des disques. Et quand j'ai voulu les récupérer, ils avaient disparu. Et je descends de l'étage où on était, et je vais à la loge de la concierge. Et là, il y avait Johnny qui était en train de dire à la concierge, je repasserai les prendre demain. Et moi, je ne le connaissais pas, donc j'ai mis une tarte dans la gueule. Et puis on est devenus potes. Voilà. C'est une grosse partie de vous hein, qui est partie avec Johnny. Oui. Vous avez vraiment grandi ensemble. Comment vous le définiriez, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, avec vos mots à vous? C'est un vrai battant, qui n'avait pas peur de quoi que ce soit et qui essayait toujours, ce que j'explique d'ailleurs un peu dans la chanson, de se surpasser tout le temps, de tout le temps faire plus. Vous dites, t'as brûlé ta vie. Mais t'as brûlé toute ta vie, en petit matin, en blanche nuit. Oui, c'est vrai. Comme si c'était un reproche en fait. C'est un reproche parce qu'il en est mort, parce que il ne l'a pas survécu à sa vie, voilà. C'est en ça que je lui en veux d'ailleurs. C'est en ça que je lui fais des reproches, oui. Parce qu'il était tellement costaud que s'il avait fait un petit peu attention, il serait parmi nous. Qu'est-ce que vous avez pensé là de l'hommage qui lui a été rendu? Pas rien du tout. Et pourquoi vous n'êtes pas venu? Parce que j'ai rien à y foutre. Moi, je fais pas les Restos du Cœur, donc je vais pas aller à Bercy. Là, c'était les Restos de Johnny, là? Oui, ça s'est pensé à ça. Sur le principe, je suis pas d'accord sur ce genre de choses. À savoir que les spectateurs payent, les artistes, eux, ne sont pas payés, et ça va, soi-disant, à une œuvre de charité. Je crois pas beaucoup. La statue, vous en pensez quoi? Rien du tout, c'est une catastrophe ambulante. Enfin bref, ça ne me regarde pas non plus. Non, j'aime pas les places qui commémorent les trucs, les machins. Parce que les pigeons chient sur les statues, donc ça m'intéresse pas. C'est pas Johnny, quoi. Pourquoi ça? Mais ça plaît à Hidalgo, donc c'est bien, Notre-Dame de Paris, elle se régale. Mais pour vous, c'est une guitare, une harnée, bof, c'est... Ça évoque rien du tout. Ouais. C'est pas Johnny, quoi. On se connaît depuis des temps, il avait 15 ans, moi 16, on a fait des conneries ensemble, on a fait des mêmes spectacles, on a fait les mêmes choses. Et on s'est toujours retrouvés, on s'est toujours amusés, on s'aimait, quoi, voilà. Il y a une absence et c'est vrai que j'ai rêvé de lui. Ou bien sûr, je l'engueule. Pourquoi je l'engueule? Ouais, fais pas ceci, fais pas cela, oui, tiens-toi droit, enfin, des conneries. Donc, quand il prenait des choses un petit peu dérangeantes, je disais là, calme-toi, par exemple, chose comme ça. Vous écoutez pas toujours? Non, jamais. Jamais. Jamais, il n'a jamais écouté qui que ce soit, Daniel. Lui est parti très tôt, je trouve, parce que, je dis bien, une fois de plus, c'était un type très très fort, un costaud, un battant. La preuve, il nous l'a prouvé sur les vieilles canailles, sur les deux séries de concerts qu'on a pu faire. Et un soir, avec Jacques, on était très très mal, car Johnny nous fait dans l'oreille, faut que je sorte, je me sens pas bien. Et on savait qu'il avait fait de la chimio l'après-midi. Donc on bouche les trous, on raconte des conneries, des choses comme ça, en attendant qu'elles reviennent. Il revient, bon, impeccable. Et après, on a su qu'avant de chanter, alors qu'il avait fait de la chimio, il avait mangé 6 boudins créoles, bien pimentés. Il était parti vomir, bien sûr, bon, excusez-moi du terme. Et donc, il ne se sentait pas bien, ce qui est vraiment le type même du sale gosse, quoi. Donc, il prouvait qu'il était fort. Mais bon, la maladie l'a dépassé. Pourquoi vous l'avez titré Un petit peu d'amour, la chanson de Johnny ? Parce que c'est ce qui lui manquait. C'est ce qu'il avait toujours besoin. Un petit peu d'amour, quoi. Et vous pensez qu'il n'en a pas eu assez ? Ou il en demandait beaucoup plus. Mais dans la vie de tous les jours. Les amis, les épouses, les enfants. Il avait besoin d'amour. Et lui, il en donnait assez ? Pas vraiment. Pas tout le temps. Pourquoi, votre avis ? Parce que c'était quelqu'un qui mentait, qui était égoïste, et puis qu'il pensait qu'à son spectacle, qu'il pensait qu'à son public, voilà. Il y a un autre passage qui est indissociable de cette amitié, c'est « Salaud, on t'aime » de Claude Lelouch. Oui, vous apparaissez tous les deux à l'image. C'est une évidence d'ailleurs aussi, encore une fois, ces talents d'acteurs, les vôtres qu'on connaît, et ça match, ça marche, c'est simple. Bon, merci d'ailleurs Claude de nous avoir réunis. C'est un tournage assez bizarre parce que Claude Lelouch a une façon de travailler qui est pas la mienne du tout. Et il aime l'impro, moi j'aime pas ça. Vous savez que la photo qui sert à l'affiche d'ailleurs, où on est écroulé de rire tous les deux, c'est que Claude Lelouch voulait absolument que je fasse un cadeau de bienvenue au personnage qu'interprétait Johnny. Et je lui offrais une montre. Et il me disait, mais cette montre, il faut bien la voir, parce qu'il va prendre des sous, quoi, le petit père Lelouch. Et il me disait, et tu dis que c'est une montre, je sais plus quoi, quelle marque. Et à chaque fois, je changeais la marque. Et il était fou de rage. Et nous, on était écroulés de rire. Et puis, bon, finalement, Claude a abandonné. Là, ça fait 4 ans qu'il nous a quittés. Oui. Je sais que vous y pensez tout le temps. Oui, parce qu'il me manque. Accepte l'absence ? On accepte l'absence, mais pas les conditions. C'est-à-dire que s'il est parti, c'est de sa faute, voilà. Et ça m'énerve. Merci infiniment, Eddy Mitchell, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ce nouveau single, il faut l'écouter, un petit peu d'amour. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste avec un petit peu d'amour, ton esprit, ton corps étaient dopés. Tu voyais tout sous un nouveau jour, sur le simple fait d'être aimé. Mais recevoir, c'est savoir donner. Rester humble puis se sacrifier. Découvrir que la trahison débute par l'amour ou l'amitié. Petit matin en blanche nuit, trop tard pour regretter le passé. Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer passé. Juste avec un petit peu d'amour, tu croyais pouvoir être sauvé. Idole, icône, aimée, adulée, t'as tout connu, tout traversé. Avec un petit peu d'amour, être adoré, parfois se tromper. Découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié. Mais c'est pas faute de ne pas t'avoir revenu. Voulu toujours te surpasser, éprouver que t'étais un demi-dieu, un héros de la rue. petit matin en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé? Avec un peu d'amour, un peu d'amour. Après la pause Eddie Mitchell, on va retrouver l'album de la semaine qui est Acte 2, sorti le 10 septembre 2021. Et cette fois-ci, Yvan Kassar va nous présenter la nouvelle version du Pénitencier. Et juste après ça, on aura droit à ce remake de Laura. Les portes du Pénitencier, bientôt manger, fermé. Le Pénitencier, grande chanson, immense chanson. Moi, à ma petite place, ce qui est intéressant, c'est de proposer des éclairages différents. Je suis tombé sur les plusieurs soirs du Parc des Princes en 2003 qu'on avait fait ensemble. J'ai entendu des voix qui venaient d'un autre monde, quoi. C'était exceptionnel dans la pureté du timbre, la puissance, la justesse, l'engagement, la qualité de sa voix dans l'aigu est magistrale. Mélodiquement, harmoniquement, la structure de cette chanson est très très proche de l'univers harmonique d'Ennio Morricone. Très vite, je me suis dit qu'il fallait travailler cette chanson comme ça. Il y avait chez Johnny cet amour absolu du western et la dimension épique, héroïque du personnage. C'était un cadeau du ciel pour rendre hommage à ce côté extrêmement épique de l'interprétation. Y a tant d'hommes que je ne suis pas. Y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oui, Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les ai pas. J'ai poussé comme on respire, sans abri ni foi ni loi. Ce qui m'a fait vivre était en moi. Des caresses et des sourires, j'ai souvent passé mon tour. Je n'ai jamais appris à donner tant d'amour. Temps passé me remplit de toi. N'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Oh, oh, oh, oh Laura, petit rien du tout, mais tant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. J'ai dépensé tant de force pour des empires en

c'est pas vrai si on te l'a trop fait. Si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Je te promets qu'on entendra sur RTL dès demain. La voix de cette version provient d'un concert à l'Olympia en l'an 2000. Comment est-ce que vous choisissez la voix que vous allez utiliser? Qu'est-ce qui prime? L'émotion, la qualité du timbre, bien sûr, hein, vraiment rendre hommage à l'intégrité et la qualité de l'interprétation. Et là, ce qui est formidable, c'est que, par exemple, dans le cas de l'Olympia, il a fait beaucoup d'Olympia, plus des répétitions. Le bonheur avec Johnny Hallyday, c'est que il y avait souvent un camion qui était là et qui enregistrait des tout. Répétitions. Ah oui. Ouais, enfin, dans des grands spectacles à Paris. Donc, du coup, ça me donne vraiment beaucoup de choses à écouter. J'ai passé plus de six mois à écouter certaines chansons, plus de 50 versions, 55 versions, et je ne choisissais une chanson que si j'étais convaincu de l'intégrité, de la beauté de l'interprétation. Donc oui, on a pu avoir des voix exceptionnelles grâce à ça. En revanche, une fois que vous avez choisi une chanson, il n'y a pas de découpage, c'est une seule prise? Non, c'est plusieurs. Il peut y avoir plusieurs prises du même. C'est le cas dans ce qu'on vient d'entendre? Oui, absolument. Absolument. Mais c'est extraordinaire parce qu'on a une charge émotionnelle qui est intégrale jusqu'au bout, et alors que c'est une forme de recomposition. C'est pas un puzzle avec un mot et trois mots. Mais c'est des couplets sur un soir. Mais évidemment, on est dans la même période. C'est l'Olympia, c'est-à-dire qu'on parle de trois jours. Bien sûr. On parle pas de. Oui. Et alors, pardonnez-moi, mais pour nos auditeurs, pourquoi n'utilisez-vous que des prises de voix live et de concert? Pourquoi? Parce que pour moi, comme tous les grands chanteurs, Johnny, il était meilleur sur scène. Dès qu'il y avait quelqu'un devant lui, qu'il interprétait pour les autres, l'idée de transmettre du cadeau, et c'était pas le même chanteur. Pour avoir vécu beaucoup de moments en studio, évidemment que c'était formidable et qu'on a un son, mais en live, c'est exceptionnel. Voici un autre extrait de l'album Acte 2. Je la croise tous les matins. Version acoustique. La croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train et moi je rentre. Elle commence sa journée toujours à l'heure. Moi la lumière me fait peur. Elle a cette assurance inaccessible de ce qu'ont de la chance de naissance. Elle est belle comme les filles du jour, comme celles qui n'ont rien à cacher. J'attends toujours avant de rentrer, mais juste pour la regarder. À la voir, on devine. Des enfants coiffés, un homme l'auteur du café. La vie qu'on imagine avant de plonger, celle que je n'aurai jamais. Et moi je me sens misérable. Mon monde est

Avant dernier extrait de l'album de la semaine, Acte 2, si on va écouter... C'est grâce à non, vous. Non, c'est pas encore Johnny, non, plus tard, plus tard. On va écouter dans quelques instants la chanson Ne me quitte pas, version Acte 2. Mais avant, Yvan Cassar va répondre à la question. Quand on vous dit Johnny, quelle image vous vient à l'esprit? Bah, c'est lui près de moi et notre relation, on était tellement proches. On était distants parce que moi, je venais pas du rock'n'roll. Mais non. Et du coup, on a été comme ça et petit à petit, on s'est rapprochés jusqu'au moment où la première fois où il m'a appelé Mozart et voilà, j'ai senti que bon, voilà, il m'avait mis dans ma case. Et puis ça y est, j'étais devenu son ami pour la vie, quoi. Il y a eu quelque chose de comme, c'est vraiment, voilà, c'est une grande histoire dans ma vie. J'ai commencé en 98 et j'ai vraiment insisté auprès de Jean-Claude Camus pour cette partie centrale où il y avait l'orchestre parce que c'est mon monde et il le faisait un petit peu mais il le faisait pas comme ça parce que pour moi c'était un chanteur d'opéra. Je suis un amoureux des voix, quel que soit les styles, les grands chanteurs, mais lui c'est un grand chanteur pop, mais aussi cette puissance qui est unique. Et donc je l'ai rêvé depuis le début et je pense que son public, qui évidemment n'est pas spontanément un public de musique classique mais aussi un musique de, parce que c'est 777, c'est tous les gens, a été touché par ça parce que cette dimension lui apporte, voilà, le héros, l'opéra, ça ne fait que magnifier ce qu'il est, enfin pour moi, et je pense que les gens l'ont senti parce que ce travail de studio finalement c'est la même chose que ce qu'on faisait sur scène, mais évidemment on peut tellement aller plus loin dans le son, dans le travail, que du coup c'est le rêve absolu, enfin on essaye de peaufiner et c'est bien parce que l'orchestre, c'est pas compliqué. La musique classique, c'est pas compliqué. Ça parle au cœur, ça parle aux gens. Et donc, c'est très touchant de voir à quel point les gens étaient sidérés de ça, parce que moi, c'était mon rêve, en fait. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures y tuer parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Après la terre, jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine. Non, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non, ne me quitte pas, quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées et donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, oh, ne me quitte pas.

Et je peux vous dire que je déteste ce son. Le son est dégueulasse sur ce live. La voix est en retrait par rapport à la musique. Donc, ce serait bien que Warner fasse quelque chose et remette Johnny en avant, vraiment la voix en avant. Trop d'écho et compagnie. Enfin, ça, c'est mon petit coup de gueule. Quand j'écoute ce concert, je dis, mais il est minable. En fin de compte. On revient à l'album de la semaine qui s'intitule Acte 2, qui est sorti donc le 10 septembre 2021. Et outre l'ingénieur du son François Gauthier, on retrouve ici les mêmes complices réunis l'an passé, hein, donc c'est-à-dire il y a 2 ans de ça du moins, pour l'acte 1, Bob Clairmontaine pour le mixage et Bob Ludwig pour le mastering, qui ont l'un et l'autre travaillé pendant des lustres pour Johnny Hallyday. Et donc ils sont retournés également à Londres, hein, pour les prises d'orchestre, en rappelant des musiciens aimés de Johnny, comme l'harmoniciste Greg Slab qu'on a pu entendre sur le titre « La musique que j'aime ». Voici le dernier titre que je vous propose d'écouter, c'est la version « Le Mirador ». Mirador tout court. Quartier des fous, les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachous, des flambeurs, des tatoués, des loulous. La liberté, faut la payer, et on enterre nos corps sous le mirador. Et la liberté, faut la rêver quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Il y a des prisons, un ciel ouvert partout. Il y a pas d'école pour apprendre à aimer. Y a des écoles pour apprendre à tuer. La liberté, faut la payer, et on enterre nos corps sous le mirador. Et la liberté, faut la rêver quand on promène nos corps sous le mirador. Du fond du trou, on ne peut plus dire je t'aime. La chance ici, ça fait plus la peine. La peine ici, c'est bien fini. Le cœur se bat sans bris. C'est pas le Pérou, mais faut rêver quand on promène nos corps sous le mirador. Et la liberté, faut la payer quand on enterre nos corps sous le mirador.

On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. L'émission est déjà prête. Ce sera, et non pas ce qu'on a vécu le 14 septembre dernier, pour moi, cette grosse daube, mais ce sera Johnny qui reprendra intégralement toute la playlist que vous avez pu entendre, peut-être, ce soir-là. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.